dedans. Sa combine de boxeur et son style grisonnant. Normalement, il bouffe tous les antilopes et les agneaux. Les chaperons rouges, les glous et les mamies sourdes comme des pots. Normalement, il a l'air effrayant quand vient la nuit. Il rentre chez les gens pour les manger. Et normalement, ça lui suffit. Mais lui, c'est un loup heureux. Il ferait pas de mal à une mouche. Dès que tu le regardes un peu, le féroce animal se couche. Tout ce qu'il dévore, c'est les yeux. Tout ce qu'il fait, c'est du bouche à bouche. Je crois que ce loup fait de son mieux. C'est un loup amoureux. Normalement, il était flanqué, il se balade dans les sous-bois. Quand il est affamé, quand le loup n'y est pas. Mais non, là ça marche pas, là justement le loup y est. C'est ce qui fait son karma, sa coulitude est au sommet. Rien à faire dans une fable, ou dans un conte de fées. Ce loup est trop affable, par une once de férocité. Oui, lui, c'est un loup heureux. Qui ferait pas de mal à une mouche. Que tu le regardes un peu. Le féroce animal se couche. Tout ce qu'il dévore, c'est les yeux. Tout ce qui fait ça du bouche à bouche. Je crois que ce loup fait de son mieux. C'est un loup amoureux. Oui, c'est un loup.